Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam à ces deux hommes, إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَدِّنَا وَأَقِيمَ. Lorsque la prière arrive, faites l'adhan. Et il s'adresse aux deux personnages. Puis, faites l'iqama. Puis, que l'un d'entre vous dirige la prière et que celui-ci soit le plus âgé des deux. Ceci nous prouve que ces deux personnes-là ont fait une jama'a avec un imam et une personne qui est derrière lui. Et cette jama'a et ce nombre a été approuvé et certifié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la jama'a se compose de deux personnes. Toute personne qui prie en jama'a, toute personne qui prie avec une jama'a, quand bien même ce nombre serait aussi minime que deux personnes par exemple, alors il est concerné par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète a dit « Salatul jama'ati afdalu min salatil faddi bi sab'in wa ishrina darajatan » Je vais venir à ce hadith, inshallah, tabarak wa ta'ala. La prière en groupe est préférable et a plus de valeur que la prière de celui qui prie seul de 27 degrés. Non. C'est comme s'il faisait 27 prières de plus. Non. On a aussi d'autres hadiths qui nous montrent la valeur de prier en groupe. Comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّ صَلَاتَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَسْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلِينِ أَسْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ. La prière d'une personne avec une autre personne est préférable et meilleure que s'il priait seul. Et la prière d'une personne avec deux autres personnes est préférable que s'il priait avec une seule personne seulement. Et plus ce nombre est élevé, plus ceci est aimé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cette raison que l'auteur du livre dit wa kullama kana akthar fa huwa ahabbu ila Allah. Plus ce nombre est important, plus le nombre qui compose le groupe est important, et plus ceci est aimé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala est aimé et préférable. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith que je vous ai cité, la prière en groupe prévaut sur la prière de celui qui prie seul, salat al-faddi wa al-munfarid, de 27 degrés. Ah. Ensuite, l'auteur du livre dit, وقال وإذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. L'auteur du livre Abdurrahman ibn Sa'di a ramené ce hadith que je vous ai cité tout à l'heure de ces deux hommes qui sont venus dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils habitaient assez loin aux abords de Médine. Lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé le prophète en train de prier avec le groupe. Ils se sont abstenus de prier pour la simple et bonne raison qu'ils avaient déjà pris la prière obligatoire chez eux. Alors, ils ont attendu sagement que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, finisse sa prière. Après ceci, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est parti les voir et leur a demandé « Qu'est-ce qui vous a poussé à ne pas prier avec nous ?» Et dans une autre version, « Êtes-vous musulmans ?» Alors, ils ont dit « Nous avons déjà prié, sallayna fi rihalina, nous avons déjà prié chez nous, dans notre quartier, dans nos demeures, avec notre clan, avec notre tribu. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, idha sallaytuma fi rihalikuma, si vous avez prié déjà chez vous, et que vous veniez à la mosquée, et que vous trouviez un groupe en train de prier, alors priez avec eux. Car cette prière-là sera pour vous une nafila, une prière surérogatoire. On pourrait se poser la question, pourquoi l'auteur du livre ici ramène ce hadith-là? Quel est le lien qu'on peut faire entre la prière de ces deux hommes en tant que nafila et ce qui était cité auparavant concernant le statut de prier en groupe de manière obligatoire. Tout simplement car si on dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité ces deux personnes qui avaient déjà prié la prière obligatoire, il les a enjoint de prier avec le groupe, avec la niya de nafila, alors ceci nous montre le mérite et la grande récompense de prier en jama'a, et à plus forte raison l'obligation de prier en groupe concernant les prières obligatoires. Là. Donc ce hadith-là, il nous prouve quoi? Il nous prouve qu'il est recommandé de recommencer la prière obligatoire pour celui qui l'a déjà prié et qui trouve dans une mosquée ces personnes-là en train de prier. Là. Dans ce cas-là, il prie avec eux, mais il rentre avec la niya de nafila, avec l'intention de prier une prière surérogatoire. Après ceci, l'auteur du livre va citer un hadith, et là on rentre dans une toute autre problématique qui n'est plus liée au statut juridique de la prière en commun, mais qui sera liée maintenant aux règles religieuses qui régissent l'imam. Qu'est-ce que l'imam? L'imam, c'est tout ce qui tourne autour de l'imam. Qui est l'imam? Quelles conditions doit-il remplir pour être imam? Que doit-il faire s'il sort de la prière, s'il rate sa prière? Comment il organise la mosquée? Comment il organise les rangs? Tout ceci est évoqué dans les livres de fiqh, dans ce chapitre, Bab al-Imam. L'auteur du livre ici introduit Bab al-Imam par ce hadith-là. Écoutez bien. عن أبي هريرة مرفوعا إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وَإِذَا صَلَّ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. Ce hadith-là, c'est un hadith qu'on retrouve dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, d'après la version de Abi Hurayrata radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Que dit ce hadith? Il me semble que j'avais déjà cité ce hadith-là lorsqu'on avait parlé de la discrétion de la prière. Quoi qu'il en soit, ce hadith-là a été rapporté par l'imam al-Bukhari ou al-Muslim d'après la version de Aïcha et ici par Abu Dawud d'après la version de Abi Hurayra. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes, l'imam a été institué dans la religion afin qu'il soit suivi. Lorsqu'il prononce le takbir, alors prononcez le takbir. Et ne prononcez pas le takbir avant qu'il n'ait prononcé le takbir. C'est-à-dire, ne le devancez pas dans ceci. Et lorsqu'il s'incline, inclinez-vous avec lui et ne vous inclinez pas avant qu'il ne se soit incliné. Et ne vous inclinez pas avant qu'il ne se soit incliné. Et lorsqu'il dit « Sami Allahu liman hamida », dites « Rabbana wa lakal hamd ». Et lorsqu'il se prosterne, prosternez-vous et ne vous prosternez pas jusqu'à ce qu'il se prosterne. Et s'il prie debout, alors priez debout. Et s'il prie assis, alors priez tous assis. C'est un hadith qui est relativement clair de sens et qui nous montre clairement que celui qui est dirigé par un imam se doit de le suivre dans ses faits et gestes, sauf si cet imam est dans l'erreur. Dans ce cas-là, il ne le suit pas. Alors ce hadith-là a beaucoup d'enseignements. Il nous montre plusieurs choses. Premièrement, que l'imam doit être suivi obligatoirement. Et j'avais déjà parlé de ce problème lorsque nous avions étudié les règles relatives aux deux prosternations de distraction. C'est peu qu'une personne, elle prie derrière l'imam par exemple, et par inadvertance, par insouciance, yukharifu l'imam, c'est-à-dire il contredit l'imam dans ce qu'il fait. Ou alors il oublie de faire quelque chose que l'imam a fait. Alors il se peut que sa prière en soit altérée, voire annulée complètement. Donc ce hadith-là vient nous rappeler que la personne, elle se doit de suivre l'imam dans ses moindres faits et gestes qui renvoient à la prière, dans le cadre de la prière uniquement. Ça c'est un. Deux, ici, il y a quelque chose, barakallahu fikoum. Lorsqu'on reprend la fin du hadith, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'imam prie debout, priez debout. Et lorsqu'il prie assis, priez tous assis, sans exception. Alors ici, ceci va me permettre d'introduire une mas'ala qui peut, c'est-à-dire une problématique qui peut se produire parmi vous. C'est lorsque l'imam, pour X raisons, ne peut pas prier debout. Comment les gens derrière doivent-ils prier? Est-ce qu'ils doivent suivre l'imam et s'asseoir avec lui? Ou alors est-ce qu'ils doivent rester debout? Donc si on s'en tient au hadith que nous venons de citer, on dira tout simplement, ben, si l'imam il est assis, on va s'asseoir avec lui. Or, nous avons ce qui s'est passé avant la mort du prophète, lorsque le prophète priait assis et que les gens derrière étaient debout. On pourrait dire que ceci vient contredire le hadith authentique. C'est pour cette raison que les savants ont divergé sur cette problématique. Et ils ont trois approches différentes. La première approche, c'est qu'ils ont réuni tous les hadiths et ils ont tiré des règles religieuses. Et c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire en priorité dans ce genre de problème. Deuxième approche, c'est le fait de dire que certains textes sont abrogés, certaines manières de faire sont abrogées, et d'autres sont abrogeantes, sont venues abroger les dernières. Troisième approche, c'est le fait de dire que certaines fois, le prophète faisait des choses, mais ceci est spécifique à lui, ce qu'on appelle le khosoussi en arabe. Donc on a trois approches différentes. Lorsqu'on est confronté à ceci, ce qu'il faut faire d'abord, si on veut avoir une méthodologie cohérente et juste, il faut d'abord appliquer la première approche, c'est-à-dire essayer de rassembler tous les hadiths sur la question et en déduire les textes religieux. S'il y a moyen de rassembler tous les hadiths sans qu'ils se contredisent les uns les autres, alors dans ce cas-là, il est un devoir pour nous de d'emprunter cette méthodologie. هذه المنهجية. Alors, maslakul jam'a, c'est justement ça, c'est le fait de dire, si on reprend tous les hadiths du prophète, lorsqu'il prie à debout, lorsqu'il prie à assis, lorsqu'il ordonna aux gens de s'asseoir derrière lui, lorsqu'il ordonna aux gens de rester debout, si on rassemble tout ceci, on peut en déduire les conclusions suivantes. Premièrement, si l'imam commence la prière debout, et il reste debout durant toute sa prière, dans le sens où il n'a pas besoin de s'asseoir. Dans ce cas-là, il est obligatoire pour les gens derrière d'être debout avec lui. Jusque-là, je pense que c'est assez clair et c'est le cas qui revient, on va dire c'est la norme. Ben. Maintenant, si l'imam commence la prière debout, mais dans la prière, pour X raisons, il ne peut pas rester debout, alors il s'assoit. C'est-à-dire, par exemple, il lit le Fatiha, il commence à lire une sourate, et à ce moment-là, il a une faiblesse dans son corps, ou il a un problème aux jambes, il ne peut pas rester debout, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit. Hein? لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ. Donc celui-là, طَرَأَ الْجُلُوسُ فِي صَلَاتِهِ. C'est-à-dire la position assise est venue au milieu de la prière. Dans ce cas-là, il est obligatoire pour les gens derrière de le suivre et de s'asseoir avec lui. Vous avez compris? Ceci est corroboré par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique. Troisième cas de figure. L'imam commence la prière assis. Donc, il commence la prière assis. Seulement, il faut regarder pour quelle raison il commence la prière assis. Est-ce qu'il commence la prière assis à cause d'une maladie dont il n'espère pas la guérison? Ou alors il commence la prière assis à cause d'une incapacité ou d'une maladie dont il espère la guérison dans le futur? Il faut faire le tafsir ici. Si il commence à prier assis, mais à cause d'une maladie passagère dont il espère la guérison par la suite, alors dans ce cas-là, les gens prieront assis avec lui. Ceci est corroboré par le hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, tomba de sa monture et se blessa et s'écorcha tout le flanc gauche. De telle sorte qu'il avait du mal à se tenir debout dans la prière. Donc lorsqu'il dirigeait la prière, il commençait assis. Les gens derrière lui priaient assis avec lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Non. Deuxième cas de figure. L'imam débute sa prière assis, mais il est dans un état où il n'espère pas la guérison, dans le sens où c'est une maladie chronique. Il priera toujours assis. Par exemple, quelqu'un qui est handicapé, qui ne pourra pas se lever et s'appuyer sur ses jambes. Donc, dans ce cas-là, si tel est le cas, les gens derrière lui prieront debout. Ceci est corroboré, comme je vous l'ai cité, par la maladie sur laquelle est mort le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste avant qu'il ne meure. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète pria assis, car il était tellement affaibli et malade qu'il ne put se tenir debout pour diriger la prière. Et lorsque Abu Bakr voulut s'asseoir, il lui fit un signe de rester debout et les gens derrière restèrent debout. Et bien que ici, cette maladie du prophète, c'est la maladie sur laquelle il est mort. Donc, c'est une maladie, comme on dit en arabe, maladun la yurja bur'uhu, la yurja shifa. Donc, je répète, si la personne commence la prière, si l'imam commence la prière assis, mais que c'est une maladie chronique, alors dans ce cas-là, les gens derrière prient debout. Si il commence la prière assis, mais il espère la guérison, c'est une maladie provisoire, ponctuelle, alors les gens prient derrière lui assis. Maintenant, si l'imam prie debout, les gens derrière prient debout. Si l'imam prie debout, mais dans sa prière, il s'assoit, non, alors dans ce cas-là, tout à l'heure je vous ai dit une bêtise, il s'assoit, non, les gens restent debout ici. Non, tout à l'heure je vous ai dit, il s'assoit, c'est une erreur, il reste debout. L'imam commence debout, mais en plein milieu de la récitation, par exemple, il doit s'asseoir, les gens derrière prient ou restent debout. N'en est quoi? T'es. Ensuite, toujours dans les règles régissant l'imam, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Ya ummul qawma akra'uhum li kitabillah. فإن كانوا في القراءة سواء فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا ولا يؤمن رجل رجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه رواه مسلم. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, celui qui est le plus à même de diriger la prière est celui qui connaît le plus le livre d'Allah. Si les gens sont équivalents dans la connaissance du livre d'Allah, dans sa lecture et dans sa connaissance, c'est-à-dire dans son hifd, sa mémorisation, alors on fera devancer celui qui est le plus savant d'entre eux dans la sunnah. Et s'ils sont équivalents dans la connaissance de la sunna, alors on fera devancer celui qui est le plus ancien dans l'émigration. Celui qui est précurseur dans l'émigration. Et s'ils sont équivalents dans l'émigration, alors on fera devancer celui qui s'est converti le premier à l'islam. Celui qui est le plus ancien dans l'islam. et ou alors celui qui est le plus avancé en âge. Puis le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, l'homme ne doit pas diriger celui qui détient un pouvoir. De même que la personne ne doit pas s'asseoir sur la place réservée d'une personne chez lui, sauf s'il lui autorise. Fin du hadith. Non. Que signifie ceci? Savons diverger sur ce hadith sur deux madhabs différents. Notamment la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dirige les gens et qui est le plus à même de diriger les gens, le plus à même d'être l'imam, est celui qui connaît le plus le Coran dans sa lecture et dans sa mémorisation. Ça, c'est objet à divergence chez les savants. Dans quel sens? Certains ont dit, on prend le hadith à la lettre. Donc, toute personne qui est hafid Qur'an, il sera plus à même d'être imam que n'importe qui d'autre qui ne l'est pas. Non. Et ça, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, l'imam Thawri et l'imam Ahmed, et d'autres savants. Mais parmi les grands savants, il y a ces trois-là qui considèrent qu'il faut approcher ce hadith dans son sens littéral. D'autres ont dit, non, ici ce qui est voulu, lorsque le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, aqra'uhum li kitabillah, celui qui est le plus connaisseur du livre d'Allah, ce n'est pas dans la mémorisation, c'est dans le tafsir, dans le sens des versets. C'est-à-dire celui qui est le plus versé dans les sens du Coran. Vous avez compris? Et là, ça c'est l'avis de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, et une des versions de l'imam Abi Hanifa. Taïm. À la Kulihal, les savants s'accordent à dire qu'en général, à l'époque, au temps des salafs, celui qui était le plus savant était forcément Hafid Qur'an. Car les salafs enseignaient à leurs enfants le Coran de telle sorte que la plupart d'entre eux avaient fini la mémorisation du Coran à l'âge de 13 ans, 14 ans. Non, dès qu'ils avaient atteint l'âge de la puberté. Donc c'était quelque chose qui était scellé, ficelé. Non, et ensuite, ils perfectionnaient leur parcours religieux par la suite. Donc, en général, chez les salafs, celui qui est versé dans la science, il est forcément hafid de kitabillah, donc c'est celui-là qui est mis en avant pour être l'imam. Taïm. On pourrait prendre aussi ce mas'ala ou cette façon de raisonner de l'autre côté en disant que, d'une manière générale, quelqu'un qui est hafid de kitabillah, il a un minimum de science. Non. Par rapport à celui qui ne l'est pas. Ala kulli hal. Il faut savoir qu'à notre époque, on a, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il arrivera un temps où il y aura beaucoup de lecteurs, mais peu de savants. Beaucoup de lecteurs du Coran, mais peu de savants. C'est-à-dire que les gens lisent le Coran, mais ils n'en comprennent pas le sens. Ils excellent dans la récitation du Coran, dans le tajwid, dans la psalmodie du Coran, mais ils ne sont pas savants et connaisseurs des sens et des trésors du Coran. Ça, c'est un constat aussi que l'on peut faire à notre époque. C'est pour ceci qu'il faut faire attention lorsqu'on prend ce hadith, à savoir qui on va faire devancer pour faire l'imam. Il faut savoir avant tout, barakallahu fikoum, et ça, c'est l'avis de Ibn Hajar al-Asqalani et d'autres grands savants, min al-muhaqqiqin, qui disent que celui qui est imam, celui qu'on fait devancer pour être imam, c'est avant tout un connaisseur des règles de l'imam. C'est-à-dire qu'on ne fait pas devancer n'importe qui pour être imam. Quelqu'un qui ne sait pas rattraper la prière, on ne le fait pas devancer pour guider les gens. Quelqu'un qui ne sait pas lire le Coran correctement, et notamment Al-Fatiha, qui est un pilier de la prière, il ne doit pas diriger les gens. Quelqu'un qui ne sait pas comment agir, si en tant qu'imam il doit sortir de la prière, alors celui-là il n'a pas sa place en tant qu'imam. L'imam il doit connaître toutes ses règles de base, et même plus, concernant l'imam, hein, afin qu'il soit inchallah plus à même de pouvoir diriger la prière correctement et de faire face à toutes les situations extrêmes qui peuvent se produire. Non. Donc, barakallahu fikum, l'imam, d'une manière générale, c'est celui qui est le plus connaisseur du Coran, celui qui est le plus savant aussi des règles qui régissent l'imam. Aussi, dans ce hadith-là, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'ils sont équivalents dans la récitation ou dans la science du Coran, alors on regardera la sunna. Et s'ils sont équivalents dans la sunna, alors on regardera celui qui a émigré en premier. Tout ceci nous montre l'importance de la hijra, barakallahu fikoum, et sa valeur. Et s'ils sont équivalents, s'ils ont fait la hijra en même temps, alors dans ce cas-là, on regardera celui qui s'est converti en premier. Car vous n'êtes pas sans savoir, barakallahu fikoum, que durant le temps au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premiers musulmans exposaient leur vie. Non, mettaient leur vie en danger dès lors qu'ils rentraient en islam. Effectivement, ceux qui se sont convertis dans les premiers temps ne sont pas comme ceux qui se sont convertis peu de temps avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sous-sawa, ils ne sont pas équivalents. Car les tout premiers qui se sont convertis savaient en connaissance de cause qu'ils mettaient leur vie en danger et en péril. Et la plupart des sahaba qui n'avaient pas de soutien parmi les Quraishites se faisaient châtier pour leur islam durant la période bécoise. Chose qui n'existait pas durant la période médinoise. Ah. Je vous renvoie ceci à la parole d'Allah dans surat Al-Hashr. Dans surat Afwan, Al-Hadid, où Allah tabaraka wa ta'ala fait une distinction entre ceux qui ont dépensé avant le hijra, avant le fatr, et ceux qui ont dépensé après le fatr. Que dire alors de ceux qui ont donné de leur personne avant le hijra et de ceux qui ont donné de leur personne après le hijra? Laissez-vous savoir dans le fadl, dans la reconnaissance, dont les bienfaits ne sont pas équivalents. Mais Allah récompensera chacun selon son islam et selon son ancienneté. Le prophète a dit aussi ici, sallallahu alayhi wa sallam, on ne doit pas diriger une personne de pouvoir. Autrement dit, une personne qui a un pouvoir dans la société, par exemple un ministre, un chef, un émir, un président, si il arrive dans la mosquée, alors c'est lui qui doit diriger la prière, à la condition qu'il connaisse les règles qui régissent l'imam. S'il ne sait pas prier, il ne va pas devancer la prière. Mais chez les salafs, souvent quand vous lisez les récits des salafs, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le calife, il a fait une khutbah tel jour, il a dirigé la prière de l'Aïd tel jour, il a prié pour les gens tel jour. Omar ibn al-Khattab, c'est lui qui dirigeait la prière. Le prophète lui-même, c'est lui qui dirigeait la prière. Donc l'imam, le chef, à la base, s'il vient dans la mosquée prier, c'est lui qui est, donc je disais que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, de même, quelqu'un qui est chez lui, le maître de maison, c'est lui le chef chez lui. Donc si un groupe devait se faire, une jama'a devait se former chez lui, alors c'est lui qui a la priorité pour être l'imam sur les autres. Sauf s'il décide de son propre chef de déléguer l'imam à une autre personne. De même, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il ne doit pas s'asseoir, une personne ne doit pas s'asseoir dans l'endroit qui est réservé au maître de maison. Toute personne chez lui a un endroit, notamment pour les pères de famille, surtout, a un endroit où il a sa place, où il a un endroit réservé, où il n'autorise personne, de manière générale, à s'asseoir ou à prendre cette place. Et donc, quand un invité arrive, cet invité-là ne doit pas s'asseoir dans cette place-là. C'est ce que dit ici le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sauf si ce dernier lui autorise. Non. Une autre problématique ici, importante, barakallahu fikoum, très importante même. La prière derrière un homme pervers, un homme dévoyé, un homme désobéissant, est-elle valide? La prière derrière un homme qui fait des innovations religieuses, par exemple, est-elle valide? Tout dépend quelle innovation religieuse. Si c'est une innovation religieuse qui est mukaffira, qui fait sortir de l'islam de telle sorte que cette personne-là, il se peut qu'elle soit kafira, alors dans ce cas-là, la prière derrière lui n'est pas valide. Elle n'est pas autorisée, et s'il prie derrière lui, il recommence sa prière. Quelqu'un, par exemple, qui intercède auprès des morts, ou qui demande le soutien des morts, ou qui immole pour autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, toutes ces shirkiyat que vous connaissez. Alors, si cette personne-là, après que les arguments lui ont été exposés, il ne revient pas, alors dans ce cas-là, la prière à lui n'est pas valide. Hein? Par contre, si c'est béda en deçà de ces choses-là, par exemple, quelqu'un qui fait le Maulid al-Nabawi, qui est passé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, par exemple, quelqu'un qui considère qu'il faut jeûner Nisf Rajab ou Nisf Sha'ban, hein, qui font des fêtes comme ça. Ou alors, quelqu'un qui dirait que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Hein. Donc, ce sont des innovations religieuses, mais, qui ne sont pas, concernant le Coran, c'est autre chose. Mais, par exemple, quelqu'un qui dirait que on peut fêter le jour de l'an, c'est une adoration religieuse. On peut jeûner le Nisf Rajab, la moitié du mois de Rajab. Qu'on peut faire le Hajj, par exemple, Touba, en Afrique. Donc, ce sont des innovations religieuses, barakallahu fikoum, mais elles ne font pas sortir de l'islam, jusqu'à preuve du contraire. Donc, la prière derrière lui reste valide. De même, la prière derrière tout homme qui fait des péchés, en plein jour. S'il est imam et s'il fait la prière correctement, la prière derrière lui reste valide. De même, quelqu'un qui fréquente les femmes, dès lors qu'il est musulman, quand bien même il fréquente les femmes, la prière derrière lui reste valide. Il ne faut pas que, pour le simple fait qu'une personne fait des péchés, les gens ne prie pas derrière lui, car ceci viendrait au final amener à ce que les gens délaissent al-Jamara complètement. Ceci, bien sûr, ce n'est pas ce qui est souhaité en islam. Aussi, notre problématique, Cheikh Sa'di rahmallah tabaraka wa ta'ala, dit que la prière de l'imam qui n'a pas respecté un des piliers est valide à la condition qu'il ait une excuse valable. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ce que l'imam prie assis. Vous savez très bien que parmi les piliers de la prière, il y a le fait de se positionner debout. Or, l'imam, le prophète Sassan lui-même, a prié assis. Donc, il a eu un manquement par rapport à un pilier. Or, ce manquement, a une excuse valable. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était incapable de se mettre debout. Si tel est le cas, la prière derrière l'imam ainsi est valide. Non. La preuve, c'est que les compagnons priaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il priait assis. Oui. Ensuite, l'auteur du livre dit, وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَقَدَّمَ الْإِمَامُ وَيَنْبَغِي أن يتقدم الإمام وأن يترصى المأمومون ويكمل الصف الأول فالأول. طيب. Ça, ici maintenant, on va parler de soufouf, c'est-à-dire les rangs dans la prière. Et le soufouf, les rangs dans la prière, c'est une des prérogatives de l'imam. C'est lui qui se charge, c'est sa fonction, une de ses fonctions premières, c'est lui qui se charge d'aligner les rangs et d'ordonner à ce qu'ils soient correctement alignés et bien remplis. L'auteur du livre dit, il convient à l'imam qu'il doit s'avancer, puis que les gens derrière se doivent de se coller les uns les autres et de compléter les rangs du premier, ainsi de suite, du premier, deuxième, troisième, jusqu'à la fin. Fine. Concernant les rangs, barakallahu fikoum, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, le meilleur des rangs pour les hommes, c'est le premier. C'est celui qui a le plus de valeur. Et le meilleur des rangs pour les femmes, c'est le dernier. Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Afdalu sufufi rijali awwaluha wa sharruha akhiruha » Le meilleur des rangs pour les hommes, c'est le premier, et le pire, c'est le dernier. وَأَفْضَلُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا. Et pour les femmes, c'est le contraire. Simplement car il faut qu'il y ait une certaine distance entre les hommes et les femmes. Plus la distance est éloignée, plus ceci a de la valeur. Deuxièmement, quel est le mérite du premier rang? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَأَتَوْ بِهِ وَلَأَتَوْ بِهِ وَلَسْتَهَمُ عَلِهِ وَلَوْ كَانَتْ قُرْعَةً. Si ils savaient le fad, c'est-à-dire le mérite qu'il y a dans le premier rang, ils y viendraient, ils s'y bousculeraient, ils s'y concurrenceraient jusqu'à tirer au sort pour savoir lequel d'entre eux irait au premier rang. Si chacun d'entre nous savait la valeur du premier rang, alors on se bousculerait les uns les autres jusqu'à en venir au tirage au sort, à savoir lequel d'entre nous aura le mérite d'être au premier rang. Le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Troisième chose, le mérite d'être à la droite de l'imam. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Bara ibn Azib, كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. Lorsque nous prions, Sahabi a dit Al-Bara ibn Azib, a dit lorsque nous prions derrière le prophète صلى الله عليه وسلم, nous aimions être à sa droite, car le prophète صلى الله عليه وسلم, à la fin de la prière, nous faisait face. Ensuite, parmi les règles qui régissent les rangs, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que celui qui doit être derrière l'imam est soit un savant, soit les gens doués de raison, hein, etc., etc. Le prophète a donné des priorités sallallahu alayhi wa sallam. قال ليأتين منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق. C'est-à-dire, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que viendra ou vient derrière l'imam, c'est-à-dire au premier rang juste derrière lui, les gens doués de raison, c'est-à-dire en général les savants, les adultes, hein, puis ceux qui viennent après, puis ceux qui viennent après. Non. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait que soit derrière lui al-muhajiruna wal-ansar, les émigrés, ou les émigrés et les auxiliaires. Comment les rangs doivent se former dans la prière? Premièrement, on doit compléter le premier rang. Si le premier rang n'est pas complété, on n'a pas à organiser le deuxième et le troisième. On doit d'abord compléter le premier rang. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, atimmu as-saff al-awwal thumma alladhi yalihi. Complétez le premier rang puis celui qui vient après. Aussi le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ala tasuffuna kama tasuffu al-mala'ikatu 'inda rabbiha. pourquoi ne vous mettez-vous pas en rang comme le font les anges? Alors les compagnons dirent, mais comment les anges se mettent en rang? Et le prophète de réponse, sallallahu alayhi wa sallam, يَتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَصَّوْنَ فِي الصَّفِّ. Ils complètent le premier rang et les premiers rangs ici, puis ils se collent les uns les autres. يَتَرَصَّوْنَ. Rapporté par l'imam Muslim. Ensuite, on a le problème de l'alignement des rangs. تَسْمِيَتُوا الصُّفُوفَ. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la tasubwanna sufufakum aw la yukhallifanna Allah bayna wujuhikum. Vous allez aligner vos rangs ou alors Allah va semer la discorde dans vos cœurs. Vous allez aligner vos rangs. Ici la formulation en arabe implique qu'il y a un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est appuyé et emphasé. La tusawwidna sufufakum aw la yukhallifanna Allah bayna qulubikum. Ou sinon, si vous ne le faites pas, si vous n'alignez pas vos rangs correctement, Allah sèmera la discorde dans vos cœurs. Là. Le prophète a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, sawwu sufufakum, alignez vos rangs. Non. Celui qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui a la charge d'aligner les rangs, c'est l'imam. Il peut même, comme ceci a été rapporté dans la sunna, et plusieurs compagnons le faisaient aussi, l'imam peut même tourner dans les rangs lui-même et s'assurer que les rangs sont bien droits. Faire ceci est une sunna, barakallahu fikoum, même si ça peut gêner certaines personnes. Ou alors l'imam peut déléguer des gens dans la prière, enfin peut déléguer des gens parmi les rangs afin que ceux-ci accomplissent cette tâche d'alignement des rangs. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait à certains compagnons de s'assurer que le rang était droit, notamment les rangs qui étaient derrière. Non. Une autre problématique très importante, barakallahu fikoum, c'est le statut de celui qui prie tout seul derrière les rangs. Celui qui prie tout seul derrière les rangs. Non. C'est pour ceci que l'imam Abdurrahman ibn Sa'd dit: وَمَنْ صَلَّ فَدًّا رَكْعَةً خَلْفَ الصَّفِّ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَعَادَ صَلَاتَهُ. Celui qui prie seul une raka'a derrière le rang sans excuse valable, alors il recommence sa prière. C'est-à-dire sa prière n'est pas valide. Pour comprendre ceci, il faut savoir que à la base les rangs doivent être droits et les gens doivent être collés les uns les autres dans les rangs. Autrement dit, s'il y a des espaces entre deux personnes, la personne qui arrive derrière, elle se doit de rentrer dans cette furja, dans cet espace vide. Non, il se doit de rentrer dans cet espace vide. Par contre, si les deux personnes, ou si toutes les personnes sont bien collées, dans ce cas-là, il ne doit pas faire du forcing. Enfin, lorsqu'une personne prie derrière les rangs, seule, alors, il y a trois avis chez les savants. Le premier, c'est que sa prière n'est pas acceptée, dans l'absolu. Qu'il ait une excuse ou non. Que les rangs devant lui soient complets ou non, s'il prie tout seul derrière, sa prière n'est pas acceptée. La tasihhu salatuhu mutlaqan. Ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed. Deuxième avis, sa prière est valide, seulement elle est détestable s'il n'y a pas d'excuse valable. Par exemple, une personne rentre dans la mosquée, il voit le dernier rang complet. S'il y a une excuse valable, donc pas de problème, il priera tout seul. Par contre, s'il voit un espace vide, malgré ceci, il prie tout seul derrière, cela, il dit que sa prière est valide, mais c'est makruh, c'est détestable. Le mieux, c'est qu'il fasse du forcing pour rentrer dans le rang précédent. Troisième avis, c'est l'avis le plus authentique, c'est qu'il y a un tafsir à faire. C'est l'avis de l'imam Hassan al-Basri, le cheikh de l'islam de Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Shal al-Taymiyyah et d'autres grands savants. Ils disent quoi? Ils disent que celui qui rentre dans la mosquée et qui voit que le rang est complet, de telle sorte qu'il n'y a pas moyen de rentrer dans ce rang, alors il prie tout seul, sa prière derrière est valide. Pourquoi? Car il prie tout seul les udhr par une excuse légitime et valable. Il n'a aucune manière, aucun moyen de rentrer dans le rang. Entre parenthèses ici, si une personne elle rentre dans la mosquée et il voit que tous les rangs sont complets et que lui il se retrouve tout seul derrière, s'il a la possibilité de prier à côté de l'imam, alors il le fait. Ceci a été rapporté de plusieurs compagnons. Là, s'il y a un moyen, un passage pour aller prier à côté de l'imam sans gêner les autres, alors dans ce cas-là, il le fait. Si pour arriver à l'imam, il est obligé de couper les rangs et de gêner les gens dans leur prière, dans ce cas-là, il reste derrière tout seul. Par contre, maintenant, deuxième cas de figure, cette personne-là, elle rentre dans la mosquée. Il voit que le rang est aux trois quarts plein. Et lui, il prie tout seul derrière. Là, sa prière n'est pas valide. D'accord? Sa prière n'est pas valide. Il devra la recommencer, dans tous les cas. C'est le troisième avis que je vous ai cité. Donc, barakallahu fik, il croit, dès qu'il vient à la mosquée, s'il voit l'espace pour prier dans le rang précédent, alors il se doit d'y rentrer obligatoirement. S'il ne trouve pas d'espace, alors il se doit de regarder s'il peut prier à côté de l'imam. Et si, ou à côté de l'imam, ou alors dans les rangs précédents. Parce qu'il peut y avoir des fois dans les rangs, dans les premiers rangs, des espaces aussi. Donc il doit s'assurer que il n'y a pas du tout d'espace pour qu'il puisse prier tout seul derrière. Et c'est la troisième solution qui se présente à lui. Non. Est-ce qu'il doit tirer quelqu'un afin qu'il prie derrière lui tout seul, afin qu'il prie derrière lui, derrière tous les rangs? Imaginons que je rentre dans la mosquée et qu'il n'y a aucune place et que je décide de tirer quelqu'un vers moi. Est-ce que ceci est permis? Non. Non. Ils ont raison. Barakallahu fikoum. Ça, c'est strictement interdit, barakallahu fikoum. Il y a plusieurs méfaits dans ça. Premier méfait, c'est que tu vas perturber celui que tu as tiré. Il se trouve qu'il était peut-être dans une concentration extrême, il était en relation avec son Seigneur, il était rempli de quiétude, et toi tu es venu le tirer comme ça, tu es venu le sortir de l'état dans lequel il était. Donc ça c'est un. C'est la première chose répréhensible. Deuxième chose répréhensible, tu l'as fait reculer d'un rang meilleur vers un rang qui est moins bien. Car on a dit que les meilleurs rangs, ce sont ceux qui sont les plus proches de l'imam. Imaginons qu'il était au cinquième rang, toi tu l'as fait décaler au sixième rang. Donc tu l'as mis dans un rang inférieur. Donc c'est un crime que tu as commis envers lui. Non. Troisième chose problématique lorsque tu fais ceci, c'est que tu as causé un espace dans le rang dans lequel était cette personne. Il y a un trou maintenant à cause de toi. Donc, barakallahu fikoum, ceci est strictement interdit. Même si certains savants voient que l'on peut tirer la personne vers soi, comme c'est le cas de l'Ahnaf, l'Hanifiya, le Madhab al-Bab al-Hanafi, au Shafi'iyya et d'autres grands savants. Mais le qawl sahih, barakallahu fikoum, c'est qu'il est strictement interdit de faire ceci. Fakumallahu khayr jaza. Il nous reste encore 5 minutes, inshallah. Ensuite, l'auteur du livre dit, qawl ibn Abbas, sallaytu ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam dhata laylatin, فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه. Ibn Abbas a dit, je me suis vu prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant une nuit, et je me suis vu, c'est-à-dire il a prié avec lui physiquement, Et il s'est mis à la gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par sa tête et l'a placé, en le faisant ramener derrière son dos, l'a placé à sa droite. Ce hadith nous montre que lorsque la jamara se compose de deux personnes, alors le ma'moum, celui qui est dirigé, doit être à la droite de l'imam. Taïb. Question. Si une troisième personne arrive, où doit-il se placer? Derrière, l'imam il avance. Est-ce que c'est l'imam qui avance ou est-ce que c'est les gens qui reculent? Les gens ils disent, enfin les frères ils disent celui, c'est les gens qui reculent. Moi je sais pas. Dans le hadith qu'a cité ici l'Abdullah Ahmed ibn Siadi, est-ce que c'est le prophète qui a bougé ou c'est Abdullah ibn Abbas? C'est le sahabi qui a bougé. Donc à la base, l'imam il n'a pas à bouger. À la base, c'est les gens qui doivent reculer. Or, il se peut que dans certains cas, pour des modalités, etc., il se peut que les gens ne peuvent pas bouger, mais l'imam, il est préférable que l'imam, ou il est plus simple que l'imam, avance. Il n'y a pas de mal à cela, alhamdulillah. Mais si vraiment on veut être rigoureux dans l'application de la sunna, alors l'imam il reste à sa place et les gens derrière reculent. Et ils se mettent tous deux derrière l'imam. D'accord? Si une quatrième personne arrive, alors ils se... Oui. De quelle manière il recule? Il doit reculer. De quelle manière il recule? La personne, elle arrive, elle le fait un signe à la personne, même elle le tire vers elle. D'accord? Ici, on n'est pas dans la même configuration que celui qui rentre dans une mosquée, qui est dans le sac, etc. Ici, on va créer une jamara. Donc, il la tire un petit peu comme ça, et la personne, ils vont prier les deux côte à côte derrière l'imam. Si une troisième personne arrive, où va-t-elle se placer? À la droite de ces deux personnes ou à leur gauche? Droite, une réponse droite. Très bien, on commence d'abord toujours par la droite. Donc, à la droite. Puis une cinquième personne arrive, où elle se met? À la gauche. Puis une sixième personne arrive, comment elle se met? À la droite. Puis à la gauche, puis à la droite. Il faut que le saf parte du milieu et s'étend de part et d'autre. C'est comme ça que les rangs se complètent. D'accord? Pour les femmes, si des femmes prient en groupe entre elles, alors il y a aussi un imam. Sauf que cet imam, cette femme-là qui va être l'imam, elle ne doit pas s'avancer, mais elle restera sur le même rang que ses co-religionnaires. D'accord? Contrairement aux hommes, l'imam est au-devant. Chez les femmes, elles sont toutes sur le même rang. Et si le rang est complet, alors elles font un deuxième rang derrière. D'accord? Ça, c'est concernant le soufouf chez les femmes, c'est-à-dire les rangs chez les femmes. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je reprends le livre ici, « وَإِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَمْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ » On rentre ici, pour finir le chapitre, dans les règles de bienséance qui se rapportent au fait d'aller à la mosquée et de partir à la mosquée. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous entendez l'appel à la prière, partez à la prière rempli de quiétude et de sérénité. Et ne vous précipitez pas. Et si vous, fama adraktum fasaldo, si vous arrivez à temps, alors priez avec eux. Et ce que vous avez raté, alors complétez-le. Mutafakun Ali, c'est un hadith reconnu unanimement authentique. Autrement dit, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que lorsqu'une personne se rend à la prière, elle doit se rendre dans la prière dans un état précis, dans un état d'esprit précis. Il doit être dans une quiétude et une sérénité de telle sorte qu'il se prépare à cette prière. Une personne qui va à la mosquée en courant, celui-là, il va arriver dans sa prière, il pensera à tout sauf à sa prière. Il pensera déjà à reprendre son souffle, à reprendre ses esprits. S'il est un métabolisme qui est assez faible, alors aussi il risque d'en, ceci risque d'en pâtir. Cette personne risque d'en pâtir aussi vis-à-vis de ses muscles. Donc il ne sera pas concentré dans sa prière. Donc le prophète nous apprend à y aller avec calme et sérénité. Et ce qu'on rattrapera de la prière, alors ce sera compté comme tel. Et ce que l'on aura raté, alors on devra le compléter tout simplement. وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. Lorsque l'un d'entre vous, ça c'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, lorsque l'un d'entre vous se dirige vers la prière et qu'il trouve l'imam dans une certaine position, alors qu'il fasse exactement ce que fait l'imam. S'il trouve l'imam en inclinaison, alors il fait takbiratul ihram et il part en inclinaison. S'il trouve l'imam en sujoud, alors il fait takbiratul ihram et il descend en sujoud, etc., etc. Il se doit de rejoindre l'imam dans l'état dans lequel il se trouve au moment où il rentre dans la prière. Il y a aussi ce qu'a rapporté, ce qui a été rapporté de Abi Bakrata, Sahab al-Jalil, lorsqu'il rentra dans la prière et il vit les gens en inclinaison. Non, le recours. Vous savez que le recours, c'est ce qui marque, c'est le marqueur justement entre la raka'a et la suivante. De telle sorte que si on arrive avant le recours, la raka'a est rattrapée. Si on arrive après le recours, la raka'a est ratée. Il va falloir la rattraper par la suite. Alors, Abi Bakrata a vu des gens comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il est rentré dans la mosquée, il a dit Allahu Akbar, il s'est mis en recours et il a avancé comme ça en recours jusqu'à ce qu'il a rejoint le rang. Tout ça pour ne pas rater la raka en question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a repris par la suite. Il lui a dit justement ceci. Il lui a dit, si tu arrives au moment de la prière, alors prie, et ce que tu as raté, tu le rattraperas. Donc vous voyez que même si on voit l'imam dans cet état-là, et qu'on a peur de rater la raka'a, alors il ne faut pas courir, barakallahu fikoum. Et le fait de ne pas courir, c'est appliquer la sunna. Rappelez-vous ce qu'avait dit un homme à l'imam Malik. Il lui a dit, l'imam Malik c'était un imam de Médine. Il lui a dit, il y a imam, j'ai envie de mettre l'état d'ihram, c'est-à-dire l'état, l'habit de sacralisation, et de faire, et de proclamer Muhajj Ma'umra à côté de la tombe du prophète. Alors l'imam Malik lui a dit, ne le fais pas. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il proclamait la sacralisation, kana yuhillu bidil hurayfa, il se sacralisait à Dil Hurayfa, à quelques kilomètres au sud de Médine, à peu près 4 kilomètres. Alors, l'homme, il a dit quoi? Il a dit, quelle est la différence entre la tombe du prophète et Dil Hurayfa, si ce n'est quelques kilomètres? Pourquoi Allah va me châtier pour ceci? L'imam Malik lui a dit, Allah ne va pas te châtier pour quelques kilomètres en plus, mais il va te châtier pour le simple fait que tu as contredit la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, مخالفه السنه يتعرض به الانسان على العتاب والعقاب. Celui qui contredit la sunna, celui-là, il s'en prendra qu'à lui-même. Donc, lorsqu'on arrive dans la mosquée, toi, tu as envie de rattraper la prière avec l'imam, de rattraper cette raka, mais la sunna, elle te dit de ne pas te précipiter. Donc, qu'est-ce qu'on fait prévaloir, barakallahu fikoum? On fait prévaloir l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Si tu vas arriver en avance, tu pars plus tôt de chez toi, c'est ça comme Allah fait ça. La croix. Wallahu a'lam. Nasallu tabaraka wa ta'ala an yahdiyana wa yahdiya bina wa ja'alana sababan liman ihtada. Wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala al-huda wa at-tuqa wa al-'afaf wa al-ghina. Wa nas'aluhu jalla wa ala an yazidana 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.